Et là, on va voir les technologies de l'information à travers les yeux de Raymond Poirier, qui est avec nous, qui est chargé de communication à l'Institut Technologie de l'Information et Société de l'Université Laval. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Mais bon retour avec nous dans Change de disque. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Et ben, pour se relancer, on va parler encore une fois des médias sociaux. Mais dans la ville, cette fois-ci. Exactement, dans la ville intelligente. Enfin, on parle beaucoup de technologie, d'infrastructure quand on parle de ville intelligente, mais reste que un des éléments les plus importants, les plus essentiels pour que nos villes soient intelligentes, soient smart, comme on dit en bon anglais, eh ben, c'est de laisser les citadins, les citoyens, développer leur propre usage à l'intérieur de la ville et investir la ville à différents degrés. Et évidemment, ben, quand on parle d'investir la ville, de communiquer dans la ville, eh ben, on pense de facto aux médias sociaux qui, au cours des dernières années, se sont vraiment imposés comme un outil majeur dans la communication, mais aussi, par extension, dans le développement des territoires. On parle quand même, par exemple, d'un réseau comme Facebook, sur lequel les gens, les citoyens, sont massivement impliqués et qui, au fil du temps, s'est imposé, lui aussi, comme un réseau d'importance, mais un réseau aussi de proximité, puisqu'on y va avec nos réseaux de connaissances, mais souvent il y a quand même une notion géographique, ça a toujours été comme ça, ouais. Ça le sera toujours, mais ce qui fait que quand il y a une élection, on vit l'élection au même moment, s'il y a quelque chose qui se passe dans notre quartier avec lequel on est en accord ou en désaccord, on va le dire via les réseaux sociaux, s'il y a un nouveau restaurant qui ouvre, on va le dire via Facebook. Et donc, ce qui fait que ben, nécessairement, quand on va parler des choses de la ville, eh ben, on va avoir pour premier réflexe d'aller via les plateformes de réseaux sociaux en discuter. Donc, que ce soit Facebook, Twitter et les autres, évidemment. Et nécessairement, ben, y a des études françaises qui ont remarqué que si les villes y sont, ben, ils vont aussi en profiter. Donc, ça, c'est la grosse logique, c'est le gros bon sens. Il y a des villes, on pense à Bordeaux, par exemple, qui, eux, ont créé des pages quartier par quartier, où on peut trouver des informations ciblées sur le quartier qui nous concerne. Il y a des gens qui font de la géolocalisation pour les offres d'emploi via Facebook, encore une fois, des offres de services, communiquer des informations importantes, etc. Donc, on sait qu'il y a une volonté de la part des villes d'aller là-dessus, puisque les citoyens y sont. Mais par contre, l'élément clé là-dedans, c'est que les attentes des citoyens sont aussi façonnées par ces nouvelles manières d'envisager le débat public. Mais on a envie que ces moyens-là, sur lesquels on passe beaucoup de temps dans une journée, soient impliqués justement dans la gestion, dans ce qui nous concerne en dehors de nos loisirs, par exemple, mais ce qui nous concerne un peu plus près. Exactement. Puis c'est beaucoup plus facile aussi de faire de la politique, de s'impliquer, de s'engager politiquement via les médias sociaux. Si je décide en élection de relayer des articles qui font la promotion d'une idée ou d'une autre, c'est pas compliqué. J'ai pas besoin de devenir membre de parti, j'ai pas besoin d'aller à des assemblées, je fais juste passer mon opinion, relayer des débats, porter des regards. Il y en a beaucoup qui le font et il y en a beaucoup qui le font de plus en plus aussi. En fait, on utilise en masse ces outils-là pour exprimer nos opinions, pour débattre, pour passer des informations. Et ce qui fait que si on élargit même au blog et aux autres outils, même le partage de vidéos, ben ça devient donc un espace ouvert, collaboratif, une espèce d'immense agora nourri par les échanges renouvelés de millions d'individus à travers la planète. Et évidemment, plus il y a de plateformes, plus on a l'impression qu'il y a une audience illimitée pour ces voix-là. Évidemment, bon, le côté négatif, c'est qu'il y a beaucoup de bruit qui s'y dit, il y a beaucoup de bruit qui s'y perd aussi, mais reste que ça devient donc vraiment un outil incontournable et un lieu incontournable d'expression pour amener une nouvelle forme de démocratie participative, si on pousse un peu, ou une extension des formes qu'on connaît actuellement. Donc, je suis pas chercheur, je suis pas spécialiste, mais je trouve que c'est une question et une observation qui est importante, sur laquelle il est important de se questionner et d'observer. Donc, je le disais tout à l'heure, on baisse les droits d'entrée, il y a moins d'efforts pour s'investir en politique, il y a un niveau d'engagement personnel qui est de moins en moins élevé, et donc, ce qui fait qu'en quelques clics, on peut devenir acteur, et on veut peut-être également devenir acteur. Mais il y a, par exemple, l'avantage de ça qui devient aussi un désavantage. Plus il y a de gens qui deviennent acteurs, plus on peut diminuer la qualité de ces acteurs. Donc, moi, c'est facile de dire, bon, je prends pour tel parti, voici mes opinions, mais est-ce qu'elles sont vraiment argumentées? Alors que si je prends l'effort de devenir membre de parti, d'aller me présenter à des assemblées, c'est parce que j'ai un discours qui est peut-être un peu plus structuré que sur les réseaux sociaux et dire n'importe quoi à tout vent. Et même l'autre question qu'on pourrait se demander, c'est, je peux dire mes opinions, je peux les argumenter, pensées, mais sont-elles entendues? Si je dis à mes amis que j'ai une grande opinion et des grandes idées, par exemple, pour mon quartier, et que, sachant qu'il y a un débat actuel, j'ai signé une pétition, j'ai relayé 3-4 fois l'article avec lequel j'étais d'accord, mais est-ce que cette position-là va être réellement entendue par les autorités? Et donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui se disent, ben oui, les réseaux sociaux sont là, mais encore faut-il que les gens relaient des informations et des sites et des lieux de rencontre qui pourront facilement être référençables pour les décideurs, pour les acteurs de la scène politique qui vont prendre leurs décisions en fonction de ce qui a été mis sur cette scène-là. Je donne un exemple, on reste en France, c'est des études françaises sur lesquelles j'ai mis la main. Il y a une place qui s'appelle ici les Moulineaux, qui est pionnière en matière d'e-démocratie, qui a lancé en janvier dernier un site qui s'appelle eFolio. Donc l'idée, c'est qu'à chaque mois, la mairie de la ville, j'imagine que ce serait à peu près l'équivalent d'un quartier ici, d'un arrondissement, donc on lance un appel au dialogue entre habitants et élus. Il y a un appel à contributions qui sont demandées aux citoyens sur un sujet d'actualité qui concerne la commune française dans ce cas-là. Et les gens sont appelés, oui, à partager leurs idées, à débattre, mais que les débats qu'ils ont sur Facebook, sur Twitter et ailleurs puissent être référencés et dans ce cadre-là qu'est l'eFolio pour que le débat ait vraiment lieu devant les élus, devant des gens qui vont donc lire ces débats-là par la suite, en faire des rapports, en tirer la matière première pour pouvoir ensuite la transmettre aux débats qui vont avoir lieu, qui vont être présentés à l'hôtel de ville. Mais la France a quand même un peu plus la culture du débat qu'on l'a ici au Québec et peut-être même au Canada. Et tu vois, ce genre de truc-là, on peut le voir, mais par des médias, par exemple, par certains bars à Québec, entre autres, mm-hmm. qui posent des questions. Bon, que pensez-vous de telle loi? Mais c'est un bar ou c'est un média? Est-ce qu'il y a des élus qui sont là? Ça se rend aux personnes mm-hmm. qui prennent les décisions? Ou ici, on a des problèmes, des fossés avec les conseils de quartier où on a l'impression qu'il n'y a pas nécessairement assez de gens qui y vont, qui sont sur place, qui participent au débat. Et encore là, en France, eux aussi en ont des conseils de quartier. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont retransmis, dans pas tous, mais il y en a certains, qui sont retransmis en direct sur la toile. Donc, la séance qui est diffusée sur Internet, il y a un résumé qui est lancé en clavardage. Donc, il y a quelqu'un, le secrétaire, qui, plutôt que d'écrire son résumé à la main, l'écrit sur ordinateur, le lance à la discussion. Il y a des rétroactions qui peuvent arriver. Le conseil de quartier, la rencontre, reste disponible pour observation pendant un temps X. Donc, les gens ont un temps également pour réagir aux éléments qui sont avancés là-dessus. Et même au niveau du processus électoral, mais on peut le faire par téléprésence. On peut le faire via Skype ou autre si on n'est pas en mesure de se déplacer le soir précis où il y a l'élection. Et eux ont remarqué, par exemple, si on compare 2008, on parle de 16% de plus d'électeurs par rapport aux élections de 2005. Donc, vraiment quand même une hausse assez imposante en seulement quelques années, parce que ces conseils-là étaient disponibles sur le web, donc plus proches de plus de gens qui ne pouvaient pas nécessairement être en mesure de se déplacer physiquement aux séances. Mais c'est un concept qui serait très facilement adaptable, mais je pense à des quartiers comme Limoilou, comme Saint-Roch, où les gens, et même Saint-Jean-Baptiste, où les gens qui y vivent ont vraiment une appartenance à leur quartier depuis plusieurs années ou depuis quelques années, tout dépendant, mais je pense que ça pourrait intéresser des gens qui restent, par exemple, surtout dans la cité Limoilou, disons, cet arrondissement-là. Et c'est aussi qu'avec les médias sociaux, on s'attend aussi à avoir une relation différente avec les décideurs, on s'attend à ce qu'ils soient plus accessibles. Je peux tweeter au maire de Québec, je peux tweeter au président des États-Unis et potentiellement, il y a des chances qu'il lise ce que je lui écris et qu'il lui réponde, ça arrive pour vrai. Donc, il y a quand même une proximité qui existe et qui fait que dans les attentes qu'on a, nous, en tant que citoyens, on demande donc à avoir quand même plus d'outils participatifs. Mais évidemment, l'autre grand défi qu'il y a là-dedans, outre de dire, oui, il faut participer, mais encore faut-il aussi, outre des moyens de diffusion, faut se donner des moyens de débat aussi qui sont communs. Exemple, si on parle d'urbanisme dans un quartier, on dit, je vais construire une tour et qu'il y a un débat autour de cette tour-là. Donc, présentement, de la manière que ça se fait, c'est qu'il y a des gens qui vont représenter le quartier avec la tour. Donc, ça peut donner cadre à des débats, à savoir est-ce que ton dessin est bon, est-ce que c'est l'autre dessin qui est bon. On l'a vu dans certaines situations, j'en dis pas plus. Certains îlots. Et par contre, il y a des moyens aussi qui sont peut-être plus faciles, justement, pour proposer aux citoyens de bien voir. Donc, une certaine forme de médiation urbaine, on pourrait dire. Donc, c'est à travers, par exemple, des maquettes 3D. Donc, si je fais une maquette 3D de ma ville. Et donc, je veux montrer aux gens à quoi ça ressemblerait cette tour qu'on veut construire. Eh bien, je l'insère dans ma maquette 3D et je rends cette maquette 3D-là disponible de différentes manières aux citoyens et citoyennes, soit qu'ils se déplacent, eux, pour venir voir, pour vivre une expérience de réalité virtuelle, on pourrait dire, soit on l'offre en réalité augmentée, soit on fait une vidéo où la caméra se promène dans les rues avec la nouvelle tour, on peut montrer des tests d'ensoleillement et le reste. Ça existe déjà dans un certain point à Québec, dans la mesure où il y a une maquette 3D de la ville de Québec qui existe et qui est disponible. Mais maintenant, de quelle manière on peut utiliser des outils comme ça et les offrir aux citoyens pour qu'ils puissent être en mesure de prendre des décisions, je dirais pas plus éclairées, mais avec plus d'outils pour prendre des décisions encore peut-être plus éclairées que celles dont on est en mesure de prendre l'ampleur actuellement. Mais Raymond, les réseaux sociaux servent entre autres à des choses comme ça, mais quand viennent des situations d'urgence, ça peut être aussi très pratique pour les citoyens qui sont plus situés, par exemple, localement. Exactement. Mais en fait, quand on parle de médias sociaux de manière générale, je suis tombé sur un rapport récemment. Je le mentionne au passage, simplement comme ça, c'est la Wellington en Nouvelle-Zélande qui, eux, se sont dit, ben oui, mais maintenant, je suis présent sur le web, je suis présent sur les médias sociaux, donc je peux les utiliser aussi en situation d'urgence pour relayer de l'information et pour rapidement aussi prendre le contrôle des informations qui sont relayées. Par contre, ce que eux soulignaient, et je pense que c'est l'élément que je vais rappeler aux gens ici, je trouvais ça très intéressant. Il y a une question de crédibilité et il y a une question d'habitude. Si une ville, si un organisme n'est jamais présent sur les médias sociaux, du moment où il y aura une crise, les gens n'auront pas le réflexe d'aller voir sur la page de cet organisme-là pour aller chercher de l'information parce que ce n'est habituellement pas une page active. Donc oui, il y aura peut-être des gens qui vont y aller, mais ce sera pas le réflexe de la majorité qui vont avoir plutôt le réflexe d'aller vers d'autres sites. Par contre, si, comme à Québec, c'est le cas, la ville de Québec est active sur Twitter, oui. Ben je vais vérifier sur le Twitter de la ville de Québec si on parle d'une information de crise importante. Et j'imagine que par ce réflexe-là, ben d'emblée, si je relaie l'information qui m'est donnée, je vais relayer l'information officielle plutôt que relayer une information de seconde main qui vient de sources qui sont peut-être fiables, mais qui ne sont pas la source officielle. Donc, nécessairement, ça implique d'être présent sur les réseaux sociaux de manière régulière. Donc, oui, pour la promotion, mais peut-être aussi pour l'échange, la prise de décision et le reste, pour, en situation d'urgence, pouvoir déjà avoir créé les réflexes auprès de ses concitoyens, concitoyennes, pour, justement, ensuite pouvoir être l'information prépondérante et pas qu'éventuellement, il y a des journalistes qui disent « Mais oui, ça vient d'être confirmé par la ville, par exemple. » Mais c'est sûr que l'autre grande question aussi qu'on peut se lancer, c'est de quelle manière tout ça, parce qu'on est dans le virtuel, on est vraiment dans le virtuel, de quelle manière on peut réussir à rendre ça réel, parce qu'on parle de Facebook, on parle de Twitter, je peux mettre plein d'informations sur Internet, mais c'est pas tout le monde, et quand je marche, moi je suis pas plugué sur mon téléphone, je suis pas plugué sur des applications qui me disent, ben à gauche il y a telle chose, à moins de chercher quelque chose de précis. Et en conclusion de tout ça, pour l'expression physique de ces préoccupations-là, je suis tombé sur un exemple qui m'a vraiment allumé. C'est un projet qui nous vient de Lyon, qui s'appelle le e-girouette. Donc, essentiellement, eux, ce qu'ils ont fait, et tu vas voir, Tania, c'est vraiment intéressant, c'est essentiellement un mobilier urbain intelligent qui permet de matérialiser les réseaux sociaux dans la ville. Donc, ce qu'on retrouve, c'est un panneau de signalisation, donc avec 2, 3, 4 flèches. Et moi, avec un code Twitter à partir de mon téléphone intelligent, par exemple, ben, je peux faire un tweet à ce panneau-là. Et il va avoir évidemment un peu de sécurité sur la nature du message que j'envoie. Mais si j'ai un appartement à louer et qu'il y a un panneau, par exemple, qui est au coin ici de la 3e avenue, 4e rue, en face des studios de CKRL, que mon appartement est plus bas sur la 3e avenue, ben je peux tweeter « appartement à louer à 50 mètres, venez voir !» Et après une petite analyse, il va avoir sur le panneau de tweeter cette information-là, je vais avoir inséré une géolocalisation à mon tweet. Ouais. Donc, ce qui fait que le panneau va se déplacer pour pointer dans la bonne direction. Et le message va rester là 5 minutes. Donc, si moi, je circule à pied dans le quartier parce que je me cherche un appartement, je regarde, je vois le panneau et je me dirige et je loue ton appartement. Exactement. Et le panneau, ben, il change, lui, constamment. Donc, régulièrement, change d'information. Certes, les citoyens peuvent lancer de l'information, mais également, la ville génère aussi beaucoup d'informations en matière d'agenda culturel, d'informations de déneigement, d'informations publiques, de loisirs et autres. Ben oui, déneigement, c'est fabuleux. Oui, bon, il y a le petit truc qui flash, oui, mais si on a l'information qui dit, bon, ce soir, on va déneiger. Ce soir, déneigement. effectivement sur le petit panneau où il y a le 40e anniversaire de CKRL, c'est le Radioton juste à côté là. Excellent exemple. Il y a un spectacle à tel endroit. Ouais. Ben tout ça est sur le panneau et encore là, c'est de l'information qui change aux 5 minutes, donc ça fait aussi un mobilier qui est vivant et ça fait que l'information qui est disponible virtuellement devient physique, devient réel, et ça rappelle aux gens ensuite, parce qu'on le voit visuellement, mais ça rappelle aux gens qu'il y a tout ce pan virtuel auquel on a accès et que parfois on peut l'oublier pour x, y, z raison. Parce qu'il faut que ça puisse se matérialiser. Donc, un peu en trois temps, on pourrait dire. Donc, du côté de la part de l'administration qui l'intègre, qui l'utilise intelligemment. Mm-hmm. De l'autre côté, de la part des citoyens qui en profitent et qui se les approprient, qui en font ce qu'ils souhaitent en faire pour pouvoir prendre leur part du débat public, de leur débat. Et parallèlement, ben, des manières, justement, de représenter physiquement ces éléments-là pour qu'ils aient une existence au-delà de la sphère virtuelle. Et toute cette discussion était clairement très intéressante. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on retrouve encore les chroniques sur le site de l'ITIS? Sur le site de l'ITIS, citis.ulaval.ca. Pour les articles, vous en avez quelques-uns dans notre section Revue de presse, dans les actualités TI, ou sinon, je vous renvoie aussi à l'Observatoire francophone des TI, ofti.org. Alors Raymond, on se retrouvera la semaine prochaine. Je rappelle que tu es chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société de l'Université Laval.